j'aurais cru que tu m'aimerais. J'aurais cru que tu m'aimerais. J'aurais cru, oh, j'aurais cru, j'aurais cru, mais tu ne l'as pas fait. Je t'aime, et tu te fous bien de moi. Je t'aime, même à genoux, tu te fous autre encore de moi. Je t'aime, mais tu te fous de moi.